regard arnique, l'été à sabre ou aiguillon, le rami, le bagamon. Se retrouver après des mois avec la même complicité, c'était comme ça notre amitié. Je pleure de t'avoir perdu, que ma joie demeure de t'avoir connu, quand l'ivresse du rosé faisait rire et chanter. Si je pleure de t'avoir perdu, que ma joie demeure de t'avoir connu, je garde dans mon cœur le moment de bonheur. Le temps n'a pu nous éloigner, on s'est confié tous nos secrets. J'ai même maintenant une autre maman. Puis sont venus nos amoureux, la vie d'adulte faire à deux, et nos enfants naturellement. Je pleure de t'avoir perdu, que ma joie demeure de t'avoir connu, quand l'ivresse du rosé faisait rire et chanter. Si je pleure de t'avoir perdu, que ma joie demeure de t'avoir connu, je garde dans mon cœur arrivé. Je suis venu t'accompagner, c'était pour moi une évidence. Même s'il me reste le chagrin, je sais pourtant que c'était bien d'être avec toi depuis l'enfance. Je pleure de t'avoir perdu, que ma joie demeure de t'avoir connu, quand l'ivresse du rosé faisait rire et chanter. Si je pleure de t'avoir perdu, que ma joie demeure de t'avoir connu, je garde dans mon cœur un moment de bonheur.